avez bien mauvaise mine, mon pauvre. Depuis tant autrefois jadis que je vous ai pas vu. Madame Tonneau, mon époux, je vous apporte la bonne galette au lard de Picardie. Heure de bise, mon époux, qui virait à tous les vents, je vous apporte quelque chose qui vous fera tenir tranquille. Tonneau, ma femme, Tonneau, le bon pain de France et le bon vin de France. Désormais, il ne faut plus qu'ils soient séparés. Heure de bise, mon ami, vous dites une bonne chose. Alors, je vais vous embrasser. Seigneur se rend à Reims pour y être sacré de la main des anges. La forêt elle-même, pour se préparer au mystère de cette sainte nuit, s'est couvert la tête d'un voile blanc. Et vous autres, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Allons, mes enfants, venez tous autour de moi. Et tous ensemble, répétons cette belle antienne de latin blanc que je vous ai apprise.